Coup play drum, RP. Play this drum. Sentez la veste. I restart and after I mute. Putain, mais t'es fort. Comment ça? Tu peux me filer le lien? Attends, tu me l'as filé? C'est celui que t'as mis en lien là? Listen the drum, RP, and after try to replay. Ça sera mieux si c'est synchro. Je dois y aller. C'est la RP. Are you here, RP?